Junior pas King Frost, il est dit massif. C'était un jeune trop typé, là tu rêves. Oui, devant Mataman, quand un flic se lève, c'est la liberté d'un youthman qui s'achève. Et pour ces bâtards, man, il n'y a pas de trêve. Dès qu'il te sert, c'est grave comme il te crève. Pour un petit bout de cheat ou bien même un peu d'herbe, il trouve ça normal et moi c'est ça qui m'énerve. Mais s'il fait, mais trop de jeunes ils arrêtent, sans qu'il y ait vraiment de raison à cette prise de tête. Boy, mais ils te font ta fête. Si jamais, alors putain de contrôle, tu contestes. Mais s'il fait, ouais, qui vive, yo, quand des sons qu'on s'envoie dans la. Si moi du con ça nous fait que si pas de si ma gris. À présent ou pas en sécurité l'encas sorti. Ça pas la première fois. Boy qui moule ta gourie tout pas tout elle dans la tessie. Imaginez un tibol en t'apprend en balle dans la rue. Seulement n'est pour faire yo comprendre ça. Yo pas qu'à comprendre ça. Ouvrez yo ce petit maman. Music swell. Vous aimez ça t'y m'as gentil là tu n'as pas ta vie. Ni pas les barres aux mes oreilles ou faut faire avec. Ni on a mon gel qui pas qu'à travail. Vous aimez ça t'y m'as. Nous pêche à connaître la vie là. Vous aimez ça t'y m'as gentil là tu n'as pas qu'à vie. Toujours pas fait par les représentants des autorités.